Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Maxence Croteau à CKRL, c'est le Radioton en ce moment et ça nous fait très plaisir avec l'émission Capestrade de justement organiser une première activité du moins depuis le temps que je suis là à l'émission. Je me rappelle pas qu'on avait fait quelque chose pour le Radioton. Et voilà, donc aujourd'hui dans Strad FM, c'est une première pour moi que j'ai, en fait j'avais jamais vu ça à Québec, mais je sais que ça s'est déjà fait, une dans Strad FM. L'idée m'est venue en parlant avec Normand Legault autour d'une bière dans un bar. Normand, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un chercheur en danse traditionnelle et aussi un excellent caller. Et il me racontait que dans les années 40-50 à Québec, eh bien il y avait de la danse trad ici à Québec à la radio, mais je pense pas que c'était sur les ondes FM. Fait que moi je me demande, ça devait être sur le AM en 40-50. Est-ce que c'est la première danse en live sur les ondes FM à Québec? Peut-être, venez me contredire sinon. On a des gens avec nous en studio aujourd'hui. On a Capucine, Carleuse. Bonjour Capucine. Bonjour Maxence. Yes, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ben merci de m'avoir invité. Yes. Et on ferait pas de danse traditionnelle sans avoir de musique trad. Je vous présente Martin Aucoin, violonneux, qui est là ici. Bonjour Maxence. Yeah, content de t'avoir avec nous, Martin. Très heureux d'être ici aussi. Yes. On m'indique aussi dans mon petite oreillette, oui, je suis techno comme ça, que le Radioton, bien sûr, c'est une activité de financement pour la station radio communautaire ici. Et on serait rendu bel et bien à 18 640 $. 18 640 $. Bravo tout le monde. C'est important. Bravo CKRL, mais puis aussi merci de donner l'occasion comme ça à des artistes de rayonner à la ville de Québec. Une belle radio pour tout ça. J'ai envie qu'on se réchauffe tout de suite avec de la musique. Martin, qu'est-ce que t'en penses? Parce que bien sûr, il reste de la place en studio si vous voulez venir danser. Vraiment, gênez-vous pas. Venez, on se met dans l'ambiance puis on va commencer à danser bientôt. C'est beau, Martin? On joue quoi, là? On va faire... on va jouer la soirée chez Alcide en sol. Merci. Moi, je voulais surtout savoir si c'était en sol. Après-midi. Je sais pas pourquoi on appelle tout le temps ça des veilles de danse quand c'est pas le soir. Ça me confond tout le temps. Alors, on a trois danseurs ici en studio. On peut faire des routes jigs, on peut faire de la valse, on peut faire de la scottish, on peut faire de la polka. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Bien sûr, aussi, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez venir danser. Vous êtes vraiment plus que les bienvenus. Qu'est-ce que t'en penses, Capucine? Petite valse? Ben, petite valse, ou ben sinon, les autres personnes en studio, est-ce qu'ils veulent danser, ceux qui sont disponibles ou pas vraiment? Parce que c'est vrai qu'à quatre personnes, il y a des choses qui peuvent se faire des fois. Ben, on pourrait faire une initiation à la danse, là, déjà, c'est... Ouais. Mais pour montrer, par exemple, certaines petites figures de base. Oui. C'était Jessica qui s'en venait danser. Il y a des gens très occupés ici. Figure de base, à moins qu'on y aille tout de suite avec une valse. OK. Tant qu'à être. Faisons donc ça. Faisons. Donc, même t'es invité à danser, Capucine, tandis qu'il y a des danseurs sur place. C'était valse hommage à Philippe, ça se peut-tu? Hein? Oui. Hommage à Philippe, Bruno de Guy Loyer. Guy Loyer. Guy Loyer. Merci, Monsieur Loyer. Martin, t'en connais beaucoup des tunes, toi. Puis, en fait, Martin, Capucine, vous êtes un duo de musique. Même, vous avez toutes sortes de choses. Vous organisez des veillées à Lévis, vous avez un album. Comment ça se passe? Comment ça se projette les prochains mois avec vous? Est-ce que vous avez des veillées ou des spectacles qui s'en viennent? Bien, pour les veillées de Lévis, on a terminé notre saison en mars. Fait que c'était la première le retour après pandémie, le retour des danses. Fait qu'on a fait une très belle année avec 6 danses pour la saison j'appelle automne-hiver. Puis on a terminé en mars. Et puis c'est ça qui était prévu. Et je me sens comme quand même heureuse et fière de ce qu'on a accompli, mais aussi heureuse de prendre une petite pause des veillées de Lévis là, parce que ça j'adore, je fais ça que par passion, mais ça permet de passer à autre chose. Puis ça me permet aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les autres danses, là, pas toujours être en train d'organiser la mienne. Mm-hmm. Puis justement, t'es-tu allé danser dernièrement ou ailleurs? Parce que tu ne cales pas juste à Lévis, toi. Non, je ne cale pas juste à Lévis. Si quelqu'un m'invite à caler ailleurs, je risque fort d'y aller. Mais je suis allée danser à Kenner's Mills avec James Allen. pour sa veillée du sirop d'érable. Là, ça, c'est quelque chose de plaisant, incroyable. L'accueil, la chaleur humaine qu'il y a là-bas, c'est exceptionnel. Fait que j'ai le goût d'y retourner. Puis j'attends aussi avec impatience la prochaine Contra, la oui. danse américaine qui va y avoir lieu bientôt. Là. Je crois que c'est un dimanche au mois de mai. Je pense que c'est le 13 mai, c'est pas-tu? Hein? Je crois qu'on fait ça un samedi soir. C'est ça. Un samedi soir. La dernière va être un samedi soir. Oui. Toi, Martin, t'es impliqué dans les danses Contra? Oui, moi, je suis pas mal le violonneux de service depuis quelques années pour les contrats. Et puis, c'est un milieu très plaisant. C'est un petit peu aussi, un peu plus contraignant que les 7 carrés québécois parce qu'il faut choisir des types de pièces particulières qui ont une géométrie symétrique et puis qui ont toujours le même nombre de temps mm-hmm. par partie. Donc, faut avoir le répertoire un petit peu plus prêt, un peu plus préparé d'avance. Puis, je voulais ajouter quelque chose sur oui. ce que Capucine disait tantôt. Oui, on est en pause des veillées de Lévis pour la saison estivale, mais c'est un peu le calme avant la tempête parce que on a plusieurs danses qui s'en viennent en lien avec les veillées de la Saint-Jean-Baptiste. Ah, oui. C'est comme ça que ça s'appelle, le CQPV, qui a parti un gros projet. Ça nous fait travailler presque à tous les jours de la semaine qui précède la Saint-Jean-Baptiste. Okay. Où est-ce que vous allez jouer comme ça? On va jouer à Lévis. On va jouer à Beaumont. Si je ne me trompe pas, à l'île d'Orléans. T'en as-tu d'autres en tête? Incluant le 24 juin, il y a aussi Saint-Michel de Bellechasse. Oui. Oui. Et peut-être pour toi, Martin, Saint-Étienne de Lauzon aussi. Oui. Ouais. Il manque pas d'ouvrage. Dans cette semaine-là, en tout cas, non. Puis, on parlait de la danse contra. Toi, comme calleuse, capucine, comment est-ce qu'on pourrait expliquer c'est quoi la différence entre des danses contra américaines qui deviennent de plus en plus populaires dans certains milieux et les bonnes vieilles danses de 7 carrés québécois? Ben moi, j'aime les deux, mais je cale seulement les danses, ou pratiquement seulement les danses traditionnelles québécoises. Une des plus grandes différences, je trouve que c'est la façon dont le 7 carré est fait. C'est qu'il y a 4 couples qui dansent ensemble. Donc, le couple 1 va aller voir le couple 2, puis ensuite, il va faire une figure avec. Puis après ça, pendant que le couple 1 va voir le couple 3, ben, il y a 2 couples qui font rien, ils attendent un petit peu. Tandis que dans la contra, tout le monde danse tout le temps. Et aussi, dans la manière d'expliquer la contra, on dirait que les pas vont avec la musique. Il n'y a pas de... Les figures ont une durée. Par exemple, le swing va durer 16 temps. Par exemple, un déplacement peut durer 4 temps ou 8 temps. Et on est tout le temps avec la musique. Ce qui fait que quand on a fini notre figure avec un couple puis qu'on passe au couple suivant, en même temps, la musique change parce que la musique trad est souvent faite en 2 parties. La musique change de partie. Fait qu'on finit par le reconnaître à l'oreille quand on danse. Oh! On change de partenaire, la musique change en même temps, puis les pas continuent. Fait que c'est un peu les différences majeures, là, je dirais. J'adore les puis deux. Tout le monde danse avec tout le monde à la contra. Ouais, c'est ça. Dans la même ligne. Ouais. Dans la même ligne. Martin, tandis qu'on parle des contrats, y a-tu des pièces de contrat? On pourrait jouer une pièce justement que tu joues dans les veillées de contrat. Ah ben oui. Ben pour les contrats qu'on fait, Denis Maheu, qui est notre calleur, aime bien quand on fait des pièces où la partie A et la partie B se contrastent d'une certaine façon, où on se rend compte qu'on vient de changer de partie. Oh. Donc, un des exemples très courants dans le répertoire standard, ça pourrait être, mettons, le 7 américain ou le Ril Eugène. Avec une partie en majeur et une partie en mineur. Oui, c'est ça. Attends-tu qu'on essaye ça? On essaye ça. Puis moi, je peux-tu rajouter quelque chose? Ben oui. Pour les auditeurs, pratiquez-vous à identifier les changements de tune, les changements de partie, justement. Tu commences à la partie majeure ou à la partie mineure? Majeure. Thank you. je pense qu'il y a un autre nom, ça se peut-tu? Oui, ben, c'est la deuxième partie de Sept Américains de Théodore Duguay. Yes. Tu l'as retenu. Merci à Daniel Roy pour ces informations. Oui, justement, on est parce que moi et Martin, on organise des slow jams, on organise des sessions modérées, qu'on pourrait dire, parce que jouer de la musique, comme on le fait, bon, on peut le faire pour la veillée de danse, bien sûr, mais ça se fait souvent de façon vraiment pour le plaisir spontané dans des sessions de musique ouvertes. Ça peut se passer dans des bars, on peut se ramasser quand même pas mal de musiciens. Communément appelé des jams. Yes, c'est ça. Puis pour quelqu'un qui commence la musique traditionnelle, arriver dans un jam ou que ça joue, qu'on pourrait dire, à la vitesse qu'on vient de jouer, si tu connais pas encore la pièce, ça se peut que tu passes quand même un mauvais quart d'heure, tu sais, à essayer de retrouver les tunes. Donc, on a parti justement des sessions modérées pour prendre le temps d'apprendre ces pièces-là. Et justement, c'est une pièce très populaire, le Sept Américains, dans les sessions de musique traditionnelle. Et il y a le grand Manitou, Daniel Roy, qui est venu pour nous rappeler, on pourrait dire, le vrai titre. Bon, il y a des noms qui ont tellement de titres, c'est dur à retracer. Mais oui, c'était la deuxième partie du set américain de Théodore Duguay. Duguay. Voilà, c'est ça. À voir si on... Je pense pas qu'on connaît d'autres parties de ça, mais... Fut un temps que ça se dansait. En fait, fut un temps que les parties allaient avec des parties de la danse, justement. Donc, quand ils jouaient la première partie, ben voilà, ça se continuait avec des parties de danse comme ça. Mm-hmm. Tiens, parlant d'une toune justement qui va avec une danse L'homme à deux femmes. Oh. Tu connais ça peut-être. Hein? Ah, ça, ça en est une bonne. Ça, ça en est une bonne. Mais laquelle? Je sais pas, moi. Ok. Je peux jouer un homme à deux femmes qui vient de la région de Québec. Peut-être la version de la famille Verrette. Ben oui. T'aurais-tu envie qu'on joue ça? Bon, on peut y aller avec ça. Ok. Allons-y. Partenaire majeur de CKRL, la Korrigan crée des bières avec des méthodes artisanales. L'entreprise opère selon les principes du développement durable, tout en mettant en valeur les produits de nos artisans locaux. La mission de la Korrigan comporte également un volet social et culturel qui s'articule autour des valeurs d'ouverture, d'authenticité, de solidarité et de respect. Salut, c'est Denis Lelièvre, animateur de Midi Jazz et d'univers francophone. CKRL est en plein radioton. C'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez généreux. He needs me. Vous aimez la danse traditionnelle ou voulez vivre une expérience nouvelle? Le réseau des veillées de danse au Québec propose des soirées avec caleurs et musiciens dans différentes localités de la grande région de Québec. Êtes-vous game d'essayer du nouveau? Accessibles tout au long de l'année, ces soirées de danse folklorique se tiennent dans toutes les régions du Québec. Rendez-vous au veillées-danse.québec. Un projet du Conseil québécois du patrimoine vivant, réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Et pendant cette pause dans l'univers musical qui est présentement en onde et jusqu'à 16h30 à CKRL, nous reparlons naturellement des lots de Lancan avec ce moyen pour vous de soutenir CKRL en contribuant, en misant sur les lots de Lancan. Par exemple, alors Moody qui est toujours avec nous depuis ce matin va nous parler de la rotonde avec une carte cadeau qui est à gagner pour cet espace dédié à la danse contemporaine. Donc, une carte à dos de 100$ sans date d'expiration, ce qui peut quand même être intéressant. En ce moment, la mise la plus élevée est à 90$, donc encore en bas de la valeur du lot numéro 60. Effectivement, puis même si jamais vous misez, dire ben, pourquoi je mettrais 100$ pour quelque chose qui vaut 100$, ben simplement qu'en faisant ça, non seulement vous profitez de cette carte cadeau, mais qu'en plus, vous aidez CKRL. C'est le cas également avec un autre certificat cadeau cette fois-ci, mais direction le ventre. Bol et poké. Là aussi, pour ceux qui aiment... moi, j'adore ça, les pokés. Je crois savoir que toi aussi, Loli. Donc, certificat cadeau... Ça me répond pas. T'aimes ça, les pokés? Oui. Bon, très bien. Alors, vas-y, parle-nous des pokés. C'est quoi pour toi un poké dans une journée? C'est bon. Ça remplit le ventre. Et puis, le certificat cadeau d'une valeur de 100$ nous permet de manger plusieurs pokés. Ah, effectivement, en une fois ou en plusieurs fois? Hein, finalement, on peut choisir, j'imagine. Oui, on peut choisir. On peut nourrir des amis. Nourrir des amis. Excellent. Vous comprenez qu'on est dans la détente cet après-midi. En tous les cas, rendez-vous chez Bol et Poké pour découvrir la carte complète des Poké et de tout ce que vous pourrez y manger. Et puis, pour profiter de ce 100$ de carte cadeau qui est pour le moment en mise à prix à 80$, c'est sur le site ckrl.qc.ca. Vous avez un lien pour le Radioton vers Lancan. Et en l'occurrence, la rotonde dont on parlait avant, c'est le lot numéro 60. Et Bol et Poké, c'est le lot numéro 81. À vous de jouer! Bonjour à toutes et à tous. Ici Jean-Yves Duclos, député de Québec. Merci pour ce beau moment de partage sur les ondes de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Une radio qui met en valeur notre communauté à travers des idées créatives, de l'animation culturelle et de l'information critique et pertinente éclairant de nombreux regards sur l'actualité et la société. Une radio qui se veut indépendante, multiculturelle, diversifiée et inclusive de toutes et de tous et de tous les groupes communautaires. Une radio composée d'une équipe talentueuse, engagée et déterminée. Une radio dont on est fier. Merci et bon Radioton. Bienvenue. Welcome. Vous êtes arrivé à temps et vous aviez les moyens de vous acheter votre billet pour l'espace extérieur avant que tout s'achève. Voilà, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de raison d'être triste. Grâce aux avancées scientifiques, nous pourrons éradiquer la mort, nous cloner et tenter de changer notre destin. Destino. On décolle illico. Asseyez-vous confortablement. Ça va décoiffer. Les chroniques de Peter Sanchidrian, un texte de Rosé Padilla, dans une mise en scène de Nancy Bernier. Une production des finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en collaboration avec les étudiants en composition du Conservatoire de musique de Québec. En salle du 9 au 13 mai, pour plus d'informations ou pour acheter vos billets, consultez leconservatoire.gouv.qc.ca. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Laissez-vous porter par des rendez-vous musicaux à couper le souffle et des performances artistiques qui font vibrer l'âme et le cœur. Planifiez votre envol dès maintenant. De retour à Lancan CKRL avec une nouvelle fois des lots à vous présenter pour peut-être vous donner le goût d'aller participer à cet encan. Et c'est le cas avec un lot de bandes dessinées pour les amateurs ou si vous avez quelqu'un autour de vous. Eh bien, il y a un lot assez varié, Louli, de bandes dessinées. Oui, un lot de 5 bandes dessinées présentement à 95$, donc le lot numéro 16. Ok, ça c'est sa valeur actuelle et sa valeur complète. Si on devait l'acheter neuf, ça serait 155$. Et quand même, méchant rabais aussi. Pour vous qui aimez plutôt l'ambiance artistique, qui cherchait pourquoi pas à décorer votre chez vous. De nombreuses œuvres sont présentées lors de cet encan et vous pouvez acquérir ces œuvres-là. Celle d'André-Philippe Côté, qu'on connaît comme caricaturiste au soleil naturellement, a aussi tout un penchant pour la peinture, peinture à l'huile, et notamment cette toile qui s'appelle Au temps perdu, avec différents visages des personnages. C'est à découvrir, difficile de vous le décrire, le mieux c'est d'aller sur le site ckrl.qc.ca, et en l'occurrence cette œuvre d'André-Philippe Côté, c'est le lot numéro 76, valeur estimée 1 200 $, et pour le moment la dernière mise à prix est à 400 $, bon plan là aussi. Et puis enfin on termine avec le domaine Forget de Charlevoix, qui offre une programmation tout au long de l'année et qui nous offre quoi cette fois-ci, Loli, dans le cadre de l'encan? Un certificat cadeau d'une valeur de 100 $. Et parmi la programmation de cette année, on va trouver Luc de la Rochelière, Michel Rivard, F. Côté, Fouki ou bien Guylaine Tremblay aussi dans son show humoristique, dont voici un petit extrait. Yvon Deschamps, il a écrit une chanson, ça s'appelle Les Fesses. Les Fesses. Je pense qu'il dit le mot fesses 108 fois dans sa chanson, je sais, j'ai dû compter. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Vous vous donnez pas des fois? Non! Oh, on sait qu'on s'en va. À découvrir donc dans la programmation du domaine Forget cette année, c'est un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ que vous pourrez gagner et qui pour le moment est à une mise à prix de 80 $, donc allez miser au lot 65. C'est krl.qc.ca pour miser dès maintenant sur l'encan de cette année. Allô, c'est Mélodie Spire. Oui, vous écoutez, c'est KRL. Et dans les limes, je m'abandonnerai à toi. Et c'est beau. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Le rock progressif, ça non plus, il en a plus. C'était des tonnes de 20 minutes qui racontaient l'histoire d'un gars qui pue. Ce samedi à 23h, l'autoroute reçoit 3 invités assez spéciaux. Régis Labeaume, Daniel Lavoie et Pierre Grandmaison. Puis veux-tu bien me dire, hey, comment ça se fait qu'il est toujours en train de regarder ton téléphone? Nous autres des années 70, on le regardait juste quand il sonne. 3 passionnés racontent leur amour du rock à Jacques Dulac et Stéphane Villeneuve. Ce samedi à l'autoroute, dès 23h, dans le cadre du Radioton. Larry encore. OK, continue. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Retour sur les ondes de CKRL 89.1 en studio pour le Radioton 2023. Ce sera Radioton qui célèbre 50 ans pour la station CKRL, mais surtout 50 ans de radiophonie communautaire au Québec. Et ça, c'est un bel hommage. Danstrad FM, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une Danstrad directement en studio. En première partie d'émission, on a pu en apprendre un peu plus sur la musique, sur les danses avec Martin et Capucine. Mais là, c'est le temps de danser. On a trouvé un quatrième danseur en ma propre personne. Donc, On va vous proposer des danses quand même assez simples et heureusement qui peuvent se réaliser avec un groupe de quatre. Parce que tout dépendant combien vous êtes par chez vous, d'ailleurs, si vous êtes en train de danser quoi que ce soit, écrivez à CKRL sur la page Facebook n'importe où. On va être bien content d'avoir de vos nouvelles. Capucine, explique-nous ça. Oui, bon, première étape. Alors, on va trouvez-vous des danseurs. Si vous êtes chez vous là, les auditeurs, ben c'est le temps de trouver. Vous allez chercher votre fils, votre fille là, qui sont dans le sous-sol avec la tablette là. Puis on les amène en haut dans le salon. On fait un peu de place. Pendant ce temps-là, moi ici en studio, mes danseurs sont prêts. Donc, on va faire pour commencer une contredanse. Et j'ai choisi cette danse-là parce que c'est assez c'est assez simple là, dans les explications. Fait que si vous voulez l'essayer à la maison, normalement en suivant ma voix, vous seriez capable de danser avec la musique de Martin. On va se placer deux par deux, donc vous devez trouver un partenaire de danse et vous allez vous placer face à votre partenaire. Puis ensuite de ça, le couple suivant, donc là, cette fois-ci, on peut faire cette danse-là avec un nombre illimité de couples, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Mais, donc, là, on va imaginer là, une place en long. Là. Puis, le couple numéro 1, ils sont face à face. Puis, le couple numéro 2, ils sont face à face aussi, mais derrière, ou en tout cas, côte à côte avec le couple numéro 1. J'espère que vous comprenez comment ça se place. Mettons, tous les hommes du couple sont d'un côté, puis tous toutes les femmes du couple sont de l'autre côté. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ça finit par faire deux lignes de personnes. Ça fait deux lignes de personnes. Une ligne d'hommes, traditionnellement. Une ligne d'hommes, une ligne de femmes. Et puis là, dans ce cas-ci, là, vu qu'on parle d'hommes-femmes, j'ai pas le choix de dire... Ben oui. Faire une petite parenthèse. Je m'excuse. Ça vient, ces danses-là, ils sont traditionnelles, ils viennent de loin, puis on avait des hommes qui dansaient avec des femmes. De nos jours, ça reste simplement une position. Il y a quelqu'un qui a la position de l'homme, il y a quelqu'un qui a la position de la femme. Pour les calleurs, c'est plus facile, je peux dire homme-femme, mais une femme peut se retrouver à la place d'un homme, un homme peut se retrouver à la place d'une femme. Ça fait pas de différence, on va avoir du fun pareil. OK, donc là, vous êtes tous installés. Je vais commencer par vous expliquer la danse tout simplement, puis après ça, on va la faire au son de la musique. Donc, ça va commencer que on va faire une présentation, les lignes présentes. Donc, les deux lignes s'avancent de deux pas, font un petit salut dans le centre et reculent de deux pas. Parfait. Une fois que ça c'est fait, on se donne la main droite. Donc, chaque couple se donne la main droite, c'est ça. Et on change de place. Donc, vous n'êtes pas sur votre ligne. Ensuite, on se donne la main gauche et on revient chez nous. Donc là, si vous comprenez bien, vous avez votre ligne qui est votre chez vous, votre position à vous autres. Ensuite, un crochet droit avec votre partenaire. Vous faites un tour complet et vous revenez à votre place. Même affaire de l'autre côté. Crochet gauche, un tour complet, vous revenez à votre place. Ensuite, le do-si-do. Ça se passe encore avec votre partenaire. Les partenaires s'avancent, se croisent dos à dos dans le centre et reculent à leur place. J'ai bien dit reculent à leur place. Voilà. Parfait. En studio, ils sont bons, mais c'est là qu'il y a une difficulté d'habitude. Donc là, si vous avez, je l'avais peut-être pas dit, mais le do-si-do, ça se faisait à l'épaule droite. Cette fois-ci, on le refait à l'épaule gauche. Donc encore une fois, do-si-do, les partenaires se croisent à l'épaule gauche, croisent dos à dos et reculent à leur place. Parfait. Une fois que toutes ces présentations-là sont faites, le couple 1, donc ça, c'est celui qui serait du côté des musiciens, si on en, ben, vous choisissez un bout de la ligne. Le couple 1 swing tout seul. Pendant ce temps-là, les autres personnes, on peut les encourager. Wouhou! Ils sont bons! Qu'est-ce que c'est, swingé? Bonne question. Qu'est-ce que c'est, swingé? Alors, les deux partenaires se mettent face à face. Le pied droit s'avance un petit peu dans le centre. Les mains, on met les mains sur les épaules de notre partenaire. Ouais, c'est ça. On peut faire une position sociale aussi, mais en tout cas... Et puis, on fait de la trottinette avec notre pied gauche, là, et on tourne sur place. Donc, le couple tourne sur place, le pied droit est dans le centre. C'est ça. Excellent. Parfait. Une fois que le couple 1 a bien swingé, les mains dans les mains, vous restez les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, et vous descendez la danse, donc entre les deux lignes de personnes, descendez la danse en pas chassé. Et là, quand on est nombreux à danser, ils s'en vont très loin. Rendu au bout. Les stepettes, talon pointe et puis talon pointe, c'est parfait. Revenez. Là, le couple qui était au fond, c'est toujours le 1. Ils s'en reviennent en avant. Ils vont passer par l'extérieur des lignes. Tout le monde les suit. Le couple 1 se rencontre au fond complètement. Ils font un pont. Les autres qui suivaient passent derrière le pont, se donnent la main et reviennent en avant jusqu'aux musiciens. Et là, je serais curieuse de voir si chez vous, ça fonctionne. Mais en studio, ça va très bien. Ils sont excellents. Une fois que la fontaine est faite, ce qui vient de se passer, c'est que le couple 1 est rendu au fond et on a un nouveau couple 1. Donc, on va tout recommencer. On va recommencer la danse au complet à partir du moment où les lignes présentent. Et ça va être un nouveau couple qui va soigner. Donc, dans mon cas, on est prêt. Mes danseurs sont prêts. Martin au violon, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. En avant la musique! On salue son partenaire. Salut ton voisin. Salut ta voisine. Et les lignes présentes en avançant un petit salut. Revenez à la main droite. On change de place. Main gauche, revenez chez vous. Crochet droit, un tour complet jusque chez vous. Et crochet gauche. Do-si-do, do-si-do à l'épaule droite. Encore une fois, à l'épaule gauche. Le premier coupe swing. Swing, swing, swing. Wouhou! Assez swingé, les mains, les yeux dans les yeux. Descendez la danse sans pas chasser. Rendu au bout, talon pointe, puis talon pointe. Revenez! C'est la fontaine, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, puis tout le monde suit. Le couple 1 fait un beau petit pont dans le fond. Puis les autres, donnez-vous la main. Revenez voir les musiciens. Et c'est reparti, les lignes présentes en avançant un petit salut. Revenez, main droite, on change de place. Main gauche, revenez chez vous. Crochet droit, un tour complet. Crochet gauche. Et do-si-do à l'épaule droite. À l'épaule gauche. Le premier coupe swing. Swing, swing, swing. Assez swingé, descendez la danse. Rendu au bout. Talon pointe et puis talon pointe. Revenez. C'est la fontaine, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, puis tout le monde suit. Un beau petit pont dans le fond. Donnez-vous la main, revenez voir les musiciens. Et c'est reparti, en avançant, un petit salut. Revenez, main droite, on change de place. Main gauche, revenez chez vous. Crochet droit, un tour complet. Et crochet gauche. Do-si-do, à l'épaule droite. À l'épaule gauche. Le premier coupe swing. Swing le fort, puis swing le bain, c'est le plus beau gars du coin. Assez swingé, descendez la danse, sans pas chasser. Tendu au bout, talon pointe, puis talon pointe. Et revenez, c'est la fontaine, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Tout le monde suit, un beau petit pont dans le fond. Donnez-vous la main, montez voir les musiciens. Et c'est reparti, en avançant, les lignes présentes, un petit salut, revenez. À la main droite, on change de place. Main gauche, revenez. Et crochet droit, un tour complet. Et crochet gauche. Do-si-do, à l'épaule droite. À l'épaule gauche. Le premier coupe swing, swing, swing, swing. Swing la porte et swing la main, c'est la plus belle fille du coin. Assez swingé, descendez de la danse sans pas chasser. Les spectacles, talon pointe et puis talon pointe. Revenez! C'est la fontaine, les hommes d'un bord, les femmes de l'autre. Un beau petit pont, donnez-vous la main. Et revenez voir les musiciens. Et domino, tout le monde chaud! Wouhou! Et bravo les danseurs, merci Martin. Oui, bravo danseurs, merci Capucine. Dis-moi, c'était quoi cette danse-là d'ailleurs? Ça c'est une contredanse. Et puis écoute, j'ai pris ça moi. j'ai appris en allant danser, puis c'est une des premières danses que j'ai calées, puis que j'aime caler parce qu'elle est assez simple. On peut l'expliquer là assez facilement. Fait que j'en sais pas bien plus que ça sur l'histoire de cette danse-là, puis sa provenance. En fait, je suis due pour m'asseoir avec Normand Legault, Denis Maheu, Gilles Pitre, en tout cas tous les grands là, pour en apprendre davantage. Ah, c'est bon. Puis la pièce que tu as choisie, Martin, c'était quoi ça? Ah ben, comme je jouais seul, j'ai décidé de jouer des tunes qui sont un petit peu moins jouées par ici. Des tunes que je connais pas. Ben, des tunes que j'ai déjà jouées avec toi quand même. Ah, ouais. Ben, j'ai fait des 6-8 du Cap-Breton. Donc, c'était la première qui s'appelait, je pense, la Danse des lutins. Une pièce qui était très jouée à Chéticamp. Et puis, la deuxième qui s'appelait, si je ne me trompe pas, L'écureuil autour de l'arbre. Squirrel around the tree. Ah. Et puis, oui, 2-6-8 en sol. Par là-bas, ils appellent ça des jigs. Good. Comme la pêche. Si on veut. Peut-être. C'est des pêcheurs, souvent. Regarde. Chacun ses trucs. On restait-tu, Capucine, une danse à quatre encore? Là, on a fait quelque chose de contredanse. Il y a toutes sortes de faces de figures qui se font. Ben oui. Est-ce qu'on a le temps pour une autre danse? Tu veux dire un 7 carré? Ben, 7 carré, on est... Ce serait un bon défi, vu qu'on est quatre. En fait, d'ailleurs, on a un ami qui arrive en studio pour danser. Avec sa roue. Génial. Sa roue. Une seule roue qui se déplace, celle de Stéphane. Fait que, dans le fond, Stéphane, on fait des danses à quatre. T'es maintenant la quatrième personne, il y aura de la guitare. <C'est ça>. Tout simplement. Fait que, on va te laisser arriver. Donc, on y va pour un 7 carré, c'est on ça? On y va pour un 7 carré à quatre. On a le temps de faire ça? Ben, on a le temps de le commencer, du moins. OK. Bon, donc, un 7 carré. On fait ça à 8 personnes. Et puis, les personnes se placent deux par deux. Donc, 4 couples. Et les 4 couples sont en carré. C'est-à-dire que le premier couple se place côte à côte. Donc, on va dire l'homme à gauche, la femme à droite. Ou en tout cas, comme je disais tantôt, la position de l'homme, la position de la femme, ça va être l'homme à gauche, femme à droite. Et le premier couple se met, disons, souvent on dit dos au musicien. Ça pourrait être... À la radio. Dos à la radio. Moi, j'aime bien utiliser les points cardinaux. Donc, ici, ça serait dos à l'ouest, je dirais. Bon. Le couple 3, donc là, c'est le couple 1, dos à la musique. Le couple 3 se place en face des premiers couples. Et les couples 2 et 4, ils prennent les côtés du carré qui restent, là. Parfait. Donc, une fois qu'on est placé en 7 carrés, la danse, ben, rappelez-vous de votre position, ça c'est toujours important, je dis tout le temps ça. C'est votre maison, votre chez vous. Si on se perd en dansant, ben, à un moment donné, vous aurez l'occasion de revenir à votre place. Quand on va faire une promenade ou quelque chose comme ça, vous revenez à votre place, puis tout le reste va bien aller. OK, donc ça commence toujours que de la même manière. Dans mon cas, en tout cas, on fait une introduction, tous par la main. Et on va faire un demi-tour à gauche. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Par la droite. Assez de tournée. Ensuite, on swing avec son partenaire. Comme j'avais dit tantôt, deux par deux. Le pied droit dans le centre. Assez swingé. On va se promener. C'est toujours une promenade après le swing. Fait que la promenade, c'est bras dessus, bras dessous. Puis, on fait comme chaque couple est côte à côte et fait un petit comme une petite balle de ventilateur là, dans le rond du set. Parfait! On a fait notre introduction. Ensuite de ça, le couple 1 va aller voir le couple 2 et ils vont faire une petite ronde à gauche. OK? Donc, on y va. Ronde à gauche. Et ronde à droite. Le couple 1 va laisser le couple 2 à sa place et va aller voir le couple 3. Même affaire. 8 mains en rond. Ronde à gauche. Et... ronde à droite. Le couple 1 va laisser le couple 3 à sa place. Et on recommence la même chose. Le couple 1 va aller voir le couple 4. Mais pendant ce temps-là, pour pas qu'il s'ennuie, le couple 2 va aller voir le couple 3. Et tout le monde, ronde à gauche. Et là, pendant que vous tournez par la gauche, les deux rondes formées du couple 1 et 4 et du couple 2 et 3 vont tourner par la... Donc, la ronde tourne par la gauche, mais les deux rondes tournent par la droite l'une de l'autre. Donc là, les danseurs doivent faire à certains moments des petits pas et à d'autres moments des grands pas, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se déplacer vraiment dans l'espace une ronde autour de l'autre. Et on termine en remettant tout le monde à sa place. Donc, on a fini ce que j'appelle les rondes ou les laveuses. OK, parfait. On se tourne face à son partenaire. Ça va être la grande chaîne. On se donne la main droite. Et en avançant, main gauche au suivant. C'est parti. En avant, grande chaîne. Main gauche, main droite, main droite, main gauche, main droite. Un petit salut, on continue. Main gauche, main droite, rendu chez vous. Swing le tien, puis swing la tienne, puis swing le fort, puis swing le bain. Assez swingé, on va se promener. Et une fois que vous êtes revenu à votre place, ça va être au couple 2 de faire la figure. Donc là, on a fait toute la figure avec le couple 1. Est-ce qu'on y va pour la danse? On est prêt. Ici, en studio, mes danseurs sont prêts et ils sont bons. En avant la musique! 1, 2, 3, 4. Saluez votre partenaire. Salut ton voisin. Salut ta voisine. Tous par la main, demi-tour à gauche. Changez de côté, vous êtes trompé. Mademoiselle Tremblay, c'est un one-way. Rentre chez vous. Swing, swing, swing. Swing le tien, swing la tienne. Assez swing, et on va se promener. Promener ton bras dessus, bras dessous. Le couple 1 qui swing tout seul, on les encourage. Wouhou! Assez swingé, le couple 1 au couple 2. Ronde à gauche et ronde à droite. Le couple 1 laisse le couple 2 à sa place. Couple 1 au couple 3, ronde à gauche et ronde à droite. On les laisse là, le couple 1 au couple 4. Pendant ce temps-là, 2 et 3 ensemble, ronde à gauche. Et les rondes qui tournent par la droite l'une autour de l'autre. Wouhou! On place notre partenaire à sa place. Face à face avec votre partenaire, on se donne la main droite. En avant, grande chaîne. Main gauche, main droite, main gauche, main droite, main droite, main gauche. Un petit salut, on continue. Main droite, main gauche, main gauche, main droite. Rentre chez vous. Swing, swing, swing. Wouhou! Assez swing et on va se promener. Promenade. Rentre chez vous. Le couple 2 qui swing tout seul. Le couple 2 au couple 3, ronde à gauche et ronde à droite. Le couple 2 au couple 4, ronde à gauche et ronde à droite. Le couple 2 au couple 1 et 3 et 4 ensemble. On tourne par la gauche, les deux rondes tournent par la droite l'une de l'autre. Face à votre partenaire, on se donne la main droite. En avant, grande chaîne. Main droite, main gauche, main gauche, main droite. Un petit salut, on continue. Main droite, main gauche, main gauche, main droite. Rentre chez vous. Swing le tien, puis swing la tienne. Swing le fort, puis swing le bain. C'est le plus beau gars du coin. Assez swingé, on va se promener. Couple 2 et 1 et 4 ensemble. On tourne par la gauche et les rondes par la droite l'une de l'autre. Wouhou! Assez tourné pour se replacer face à face avec votre partenaire. À la main droite, en avant, grande chaîne. De CKRL.